Chapitre 11e. Écrivez, je vous prie, Miss Panker, quelques lignes à Morton Blake pour l'inviter à dîner ici aujourd'hui avec sa fiancée, pendant que moi, de mon côté, j'adresserai le même appel à Francis Granges. Puis veuillez aussi prévenir le groom qu'il se tienne prêt à porter des lettres immédiatement. Miss Panker s'empressa d'exécuter ses différents ordres. Son activité n'avait d'égal que sa complaisance. « Cher Francis, écrivez Madame Aspinall à la fille de Lord Blatchmardean. Veuillez donc être assez gentil pour venir dîner chez moi ce soir, et soyez mon aimable interprète près de votre frère. Je compte également sur Sir Everard Courtenay et sa fille ainsi sur Morton Blake, le fiancé de Dulcie. Venez, chérie, nous charmez tous par votre esprit, votre beauté, votre grâce et vos talents. Nota bene, ne pas oublier d'apporter quelques-unes des délicieuses romances françaises que vous dites si bien. Je sais bien qu'il y a chasse aujourd'hui et que vous et Lord Beville n'abandonnerez la partie qu'à la tombée du jour, mais je n'accepterai aucune excuse et je compte sur vous à 8h-15. Grandes amitiés. » Madame Aspinall traitait Lady Frances Granges comme si elle eût été sa fille ou comme si sa mère, qui était morte il y avait de longues années, lui avait confié la garde de son enfant. Le groom, monté sur un cheval appartenant à Madame Aspinall, partit porter des lettres que Miss Panker lui avait remises. De son côté, le cordon bleu appelé à venir prendre les ordres de sa maîtresse ne tarda pas à faire son entrée dans le boudoir de Madame Aspinall. Joliot, obèse et au pourlant et digne, avait la réputation bien établie d'être d'un talent culinaire de premier ordre et d'une probité éprouvée. En cela d'ailleurs, elle était bien avisée, vu que Madame Aspinall, très économe de ses deniers, n'eût jamais toléré chez elle le moindre coulage. Seulement, Joliot, comme la plupart de ses pareils, était affligée d'un caractère détestable. Elle se montait comme une soupe au lait lorsqu'il fallait improviser un dîner en quelques heures. Tel était le cas ce jour-là. Aussi fit-elle toutes les objections imaginables à l'exécution du menu que Madame Aspinall lui proposa, prétendant qu'il était impossible de se procurer un turbot, que le prix de la volaille était exorbitant, que les huîtres n'arrivaient pas tous les jours, qu'on ne lui donnait jamais assez de vin pour sa sauce génoise, etc., etc. Madame Aspinall, en la congédiant, l'autorisa à prendre à l'office une bouteille de vin de sherry et lui fit autant de recommandations qu'un général en chef à ses auxiliaires au moment d'aller au feu. Après quoi le cordon bleu se retira, mais non sans grommeler. Seulement c'était en pure perte, car Madame Aspinall feignit de ne pas l'entendre. Une heure était à peine écoulée qu'un laquais présentait à Madame Aspinall deux lettres sur un plateau d'argent. L'une de Morton Blake, avec 1000 remerciements affirmatifs et reconnaissants, l'autre de Lady Frances. « Oui, certainement, nous acceptons, disait-elle, mais en y mettant toutefois pour condition que vous n'en voudrez ni à mon frère ni à moi, si le sommeil s'empare de nous avant la fin de la soirée, car la journée promet d'être exténuante. Toute vôtre, F. » Après être ainsi rassurée sur la qualité de ses convives et de son dîner, Madame Aspinall passa la matinée renfermée dans son boudoir, occupée à parcourir les ouvrages les plus récents sur la politique, sur l'histoire et même à lire des articles scientifiques. Elle passait pour avoir une certaine érudition. Or, ce n'était en résumé que l'art de se tenir au courant de tout ce qui se publiait en littérature, car les auteurs anciens, tels que Quincy, Lamb, La Bruyère, Pascal, Montaigne, lui étaient tout au plus connus de nom. Quant à Byron, elle en parlait comme d'un versificateur éphémère, arrivé à une notoriété passagère par l'audace de ses opinions, par l'excentricité de son caractère et plus encore par les principes subversifs de sa morale. L'heure du lunch réunit Miss Panker et Madame Aspinall à la même table. La première s'y assit presque brisée de fatigue, après avoir consacré toute sa matinée à parer la maison de fleurs, à atteindre les plus belles pièces d'argenterie, à enlever les housses. Hélas, elle n'en était peut-être plus à se demander si un intérieur modeste n'était pas préférable au faste d'un château comme celui d'Aspinall Tower. « Je vous prierai bien volontiers de dîner avec nous ce soir, ma chère Miss Panker, » dit Madame Aspinall à sa demoiselle de compagnie, « mais vous savez qu'un nombre pair de convives est nécessaire pour une table carrée. Qu'importe, chère madame, j'espère être plus heureuse une autre fois. » Toutefois, elle connaissait trop bien Madame Aspinall pour ne pas savoir que la forme de la table n'était qu'un prétexte pour tenir toujours à l'écart la demoiselle de compagnie. « Vous viendrez prendre le thé avec nous ?» reprit Madame Aspinall. « J'en serai charmée, madame. Lady Frances est si aimable, si sympathique, si jolie. »« Jolie, mais elle a un teint affreux, et elle est maigre à faire peur. Je lui trouve tant de distinction et de charme. On voit qu'elle est bien née, » riposta Madame Aspinall, d'un ton qui prouvait qu'elle entendait posséder elle aussi les avantages de la race. Après avoir fait des visites une bonne partie de la journée et s'être promenée dans son parc, plongée dans de graves réflexions, la châtelaine d'Aspinall Tower rentra chez elle pour s'occuper de sa toilette. À 7h30, elle descendait au salon, vêtue d'une magnifique robe de velours vert émeraude ornée de dentelles Donington et parée d'une chaîne d'or pâle, d'un travail exquis et d'une longueur exceptionnelle. Madame Aspinall était grande et bien proportionnée. Son port majestueux s'harmonisait avec le galbe aristocratique de son visage, au nez busqué, aux narines ouvertes, aux yeux en amande, aux sourcils arqués. Mais il faut bien dire que ceux-ci, de même que sa chevelure d'un blond vénitien et ses lèvres d'un rouge vif, étaient plutôt l'œuvre de l'art que de la nature. Madame Aspinall avait 47 ans, et sa beauté, à son déclin, n'était pas chose facile à défendre contre les ravages du temps. Aussi sa coiffure, plus compliquée que gracieuse, se composait-elle d'un chignon opulent et de mèches de cheveux artistement disposées sur son front, de façon à en déguiser les rides creusées par la griffe sans pitié du temps. Elle arpentait son salon, préparant à l'avance sa conversation. Pourquoi ne se remarierait-il pas ? Se demandait-elle en songeant aussi à celui de ses convives qui avait le privilège d'absorber ses pensées. Quand sa frise sera Madame Blake, c'est ce qu'il aurait de plus sensé à faire. Un homme de son âge ne saurait toujours voyager. Sa maison lui semblera si horriblement déserte. Il est trop intelligent pour ne pas mettre toutes les bonnes chances de son côté, en faisant choix d'une compagne sérieuse, d'un âge raisonnable, et non d'une jeune fille frivole, qui se dédommagerait plus tard de lui avoir accordé sa main. Le grand salon de réception où Madame Aspinall attendait ses hôtes avait un aspect classique et froid, dépourvu de ce gracieux laisser-aller qui fait le charme et le confort de la vie, peinture blanche et or, glace ovale, applique de bronze doré et monumentale, les tentures et les sièges de satin bouton d'or ternis par les années, le tapis d'aubusson aux nuances éteintes, les tables de grande dimension, les sièges élevés, tous pareils de forme et d'étoffe, les jardinières entre les fenêtres, dont l'étroitesse accentue encore davantage l'élévation du plafond. Heureusement pour Madame Aspinall, que près de ce salon si froidement classique, se trouvait une autre pièce aux tentures riches et gaies, aux sièges légers et bas, aux petites tables de toutes formes chargées de livres et de journaux. À 7h30, un laquais, ouvrant la porte à deux battants, annonça Sir Everard Courtenay, Miss Courtenay, Monsieur Blake. Madame Aspinall fit à Sir Everard et à sa fille le plus chaleureux accueil. Dulcy était si bonne d'être venue, son père si aimable. Quant à Morton, elle lui tendit la main, mais sans enthousiasme. C'était bien de lui vraiment qu'il s'agissait. Après avoir échangé quelques paroles banales avec leur hôtesse, Dulcy et son fiancé passèrent dans le petit salon dont nous venons de faire l'esquisse, laissant Sir Everard et Madame Aspinall en tête à tête, à la grande satisfaction de cette dernière, qui depuis des années faisait un rêve qu'elle croyait enfin possible de voir s'accomplir. Toutes deux étaient devant la cheminée. Madame Aspinall, le pied posé, un très joli pied, long, mince et courbé, sur un garde-feu, le bord de sa robe de velours un peu tendu, de façon à laisser voir les riches dentelles de sa balayeuse. « À quand le grand jour ? » demanda-t-elle en regardant les boucles de strass de ses souliers. « Que voulez-vous dire ? » reprit Sir Everard. « Le mariage de Dulcy. » Sir Everard tressaillit à cette question inattendue. « Son mariage ? » s'écria-t-il vivement. « Pas de sitôt, j'espère. » Elle est fiancée, mais on n'a pas encore fixé de date. Elle est si jeune. Elle a 20 ans, et je me suis bien mariée à 17. Elle prononça ces derniers mots d'un ton triste, poussant un soupir destiné sans doute à laisser entendre que ce mariage n'avait pas été très heureux et qu'il restait encore dans son cœur une place vide, qui ne demandait qu'un occupant. « C'est beaucoup trop tôt, » répliqua Sir Everard. « Mon père avait voulu qu'il en fût ainsi. Quant à moi, c'est à peine si je fus consulté. » « J'espère que Dulcy ne se montrera pas si pressée de me quitter, » répondit Sir Everard, sans paraître prendre le moindre intérêt aux affaires rétrospectives de Madame Aspinall. « Je serais si malheureux sans ma fille. »« Sans doute, mais ce n'est pas un malheur imprévu, » reprit Madame Aspinall. « Et toute charmante qu'elle est, Dulcy ne saurait être pour vous une compagne. »« Elle ? Mais c'est un second moi-même. Ma joie, mon bonheur, ma vie, Elle devine tous mes désirs, mes sentiments. Elle partage mes lectures et discute mes auteurs favoris avec une justesse d'appréciation que plus d'un critique lui envierait. Elle m'égaye quand je suis triste. Où pourrais-je trouver une compagne comparable? Non, Madame Aspinall, croyez-moi. Je suis trop âgé pour faire de nouvelles amitiés. Quand Dulcie m'aura quitté, ma vie sera brisée à jamais. » Les lèvres minces de Madame Aspinall se contractèrent légèrement, et ses yeux gris se voilèrent d'une teinte mélancolique, mais ce ne fut que pour un instant. Affectant de sourire, elle dit « Rien n'est plus touchant, plus louable, plus beau qu'un tel attachement. Mais pourquoi vous condamner ainsi à l'isolement, quand de nouveaux liens pourraient encore jamais ?» s'écria Sir Edward en l'interrompant. « Je n'en ai plus pour longtemps à vivre, et ce peu de temps, je le passerai avec mes livres, pour toute compagnie. Mais vous êtes tout jeune, Sir Edward. 50 ans en janvier, Madame Aspinall, ni plus ni moins. Et il me semble que j'ai vécu non pas un demi-siècle, mais bel et bien un siècle tout entier. Allons, parlons d'autre chose. Je ne suis pas venu ici pour m'attrister. Puis, lorsque Dulcie sera Madame Blake, je la verrai souvent. Plus tard, ses enfants viendront, j'espère, prendre mon foyer la place de leur mère. Il faut se soumettre à la loi de la nature et au sort commun. Lord Bevel, Lady Frances Granges, annonça un grand escogriffe de laquais à la voix de Stentor. Leur entrée fit une agréable diversion à la conversation engagée entre Madame Aspinall et son hôte. Frances était une des plus jolies femmes du comté. Elle montait à cheval en véritable écuyère. Elle enlevait certaines chansonnettes françaises avec non moins de charme et de finesse que certaines divas bien connues. Mais ses talents se bornaient là. Fanny, ou Fan, comme l'appelaient ses amis intimes, savait suffisamment l'anglais pour écrire convenablement une lettre sans offenser les règles de la grammaire, et assez de français pour lancer dans la conversation quelques mots en cette langue. En dehors de cela, elle était ignorante comme une carpe. En dépit de ses imperfections, Frances Granges était si séduisante que personne ne lui voulut autrement qu'elle n'était. Son joli visage frais et rose était un bouquet pour les yeux. Sa taille svelte et souple, qui n'avait pas sa pareille dans tout le comté, faisait tourner bien les têtes quand elle partait en chasse, montant résolument son très beau cheval. Sans doute, on pouvait lui reprocher ses manières un peu décidées, un ton un peu brusque, et surtout un vocabulaire, confessons-le tout bas, aussi riche en mots d'argot que celui d'un étudiant d'Oxford. Il faut dire à sa décharge que son frère Lord Bevil, qui était son meilleur ami, traitait sa sœur en camarade. La ressemblance au moral était frappante, de même qu'au physique. Lord Bevil avait un type saxon des plus accentués. Grand, robuste, le visage coloré, des yeux bleus et le nez large, sans parler de grand favori d'un beau blond doré. Le dîner et la soirée se passèrent fort agréablement. Madame Aspinall ne s'en mordit pas moins les doigts d'avoir invité Lord Bevil et sa sœur, car Lady Frances absorba complètement l'attention de Sir Everard en lui racontant pendant le dîner la chasse de la journée et le soir en chantant des chansonnettes françaises. Bref, lorsque tout le monde fut parti, Madame Aspinall se jura, mais un peu tard, de ne jamais plus inviter Lady Frances en même temps que Sir Everard Courtenay.